Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Un des plus grands connaisseurs de l'Égypte est l'invité de Franck Ferrand ce début d'année. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je remercie Robert Solé d'être des nôtres cet après-midi. Il vient de faire paraître chez Perrin un ouvrage intitulé « Ils ont fait l'Égypte moderne ». Nous en dirons un mot tout à l'heure, mais c'est un autre de ces ouvrages qui, pour lancer l'émission, a servi de support à mon récit « Le grand voyage de l'obélisque » chez Point, la collection de poche des éditions du Seuil. Vous parlez donc de l'obélisque de Louxor. Exactement. Après quoi, Clémentine Portier-Kaltenbach nous parlera non de la place de la Concorde. Vous avez cru qu'on allait parler de la Concorde. Non, non. Nous parlerons bien des lieux d'origine de ce monolithe célèbre entre tous, le site égyptien de Louxor. Nous avons encore l'esprit en vacances, on peut le dire, en ce 2 janvier. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Quand vous entrez sur la place de la Concorde à Paris, vous ne voyez que lui dressé là en plein centre, cet obélisque de Louxor. On a tendance un peu vite à oublier qu'au départ, il s'agissait d'une paire. Si les choses avaient été faites jusqu'au bout, sur la place de la Concorde, il n'y aurait non pas un obélisque, mais deux. Le frère jumeau de celui que vous connaissez a été offert à la France en même temps que celui-ci. Seulement, quand je vous aurai raconté les difficultés qu'on a déjà eues avec le premier, vous comprendrez qu'on ait laissé le petit frère tranquillement où il se trouvait. Du reste, ce deuxième obélisque a été officiellement restitué à l'Égypte par le président Mitterrand il y a pas mal d'années maintenant. L'obélisque de Paris, si j'ose ainsi l'appeler après 178 ans passés parmi nous, vous le connaissez, fiché sur une base moderne. La base originale est exposée au Louvre. C'est un somptueux monolithe de proportions très harmonieuses, orné de hiéroglyphes, offrande de Ramsès II au dieu Amon-Ré, et surmonté de nouveau depuis 1998 d'une pointe, on appelle ça un pyramidion, de bronze doré. Il s'agit évidemment, et de très loin, du plus vieux monument de Paris. Alors là, il n'y a aucune concurrence possible. Plus de 32 siècles, pensez donc. On peut dire que cet obélisque est le plus important témoignage de l'amour que le 19e siècle a pu porter à l'antique civilisation égyptienne. Je ne vais pas revenir sur l'expédition de Bonaparte, bien entendu, sur Champollion, sur Mariette et l'école française du Caire, etc. Justement, c'est Jean-François Champollion, le déchiffreur des hiéroglyphes, qui a pesé de tout son prestige dans cette affaire pour que ce don inouï de l'Égypte moderne à la France porte de préférence sur les deux obélisques de Louxor, même si un seul nous est donc parvenu. Peut-être faudrait-il revenir sur le cas du vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, qui est à l'origine de l'opération, fin politique, Mehmet Ali, qui voulait se concilier les bonnes grâces des deux puissances dominantes de son temps, l'Angleterre et la France. Pour une fois, les Français ont bien manœuvré, ils ont détourné la convoitise des Anglais vers l'obélisque de Karnak, un monstre absolument démesuré qui va se révéler absolument intransportable. Quant à nous, plus pragmatique peut-être que nos voisins d'outre-Manche, nous allons mobiliser d'excellents ingénieurs 6 ans durant pour mener à bien ce défi, livrer l'obélisque aux Parisiens. Un monolithe assez fragile car longiligne, de plus de 22 mètres de long, pesant 230 tonnes et qui, avec les moyens de l'époque, imaginez un peu ce que ça veut dire, va devoir quand même être déplacé sur quelques 8000 kilomètres. Alors, remettons-nous dans le contexte du temps. J'ai dit un mot de Champollion qui a fondé le musée égyptien de Charles X au Louvre. On est en pleine folie égyptisante à Paris. Tout le monde parle de sphinx, de hiéroglyphes, de momies, de sarcophages. Ça amuse beaucoup la bonne société. Et le cadeau qui est fait à Charles X, parce qu'au départ, il devait être fait au roi Charles X, ce cadeau suscite un véritable engouement dans le public. Du reste, en 1826, Mehmet Ali avait déjà offert au roi une girafe. Rappelez-vous cette girafe, on en avait déjà parlé. Alors, le ministre des Affaires étrangères, Boros Youssouf, écrit à l'ambassadeur de France le 29 novembre 1830, donc là on a changé de régime, on est sous celui du roi des Français, Louis-Philippe. « Son Altesse le vice-roi m'a chargé d'exprimer à votre excellence la satisfaction qu'il éprouve à montrer sa reconnaissance à la France pour les nombreuses marques de bienveillance et d'amitié qui lui ont été à différentes époques manifestées et qui lui ont été récemment encore renouvelées de la part de Sa Majesté. Je suis ordonné par Son Altesse de mettre les 3 monuments une des deux aiguilles de Cléopâtre à Alexandrie et particulièrement les deux obélisques de Louxor à la disposition de Sa Majesté dès ce moment. Et nous voilà donc à l'aube d'une véritable aventure. Aventure qui va durer 6 années, un de ces exploits qui repousse les limites humaines. Le genre d'exemple à donner aux enfants. Si ma nièce Marie écoute, je lui dis « ouvre grand tes oreilles ma chérie » parce que voilà l'exemple d'une opération qui est menée sans aucun relâchement, jamais. On nage en pleine démesure. Le coût financier, mais aussi humain, bien entendu, avec toutes les embûches, etc. Vous allez me dire, c'est quand même pas la première fois qu'on a transporté un obélisque. Non. Les Byzantins en avaient acheminé un à Constantinople en 390 de notre ère. Seulement, l'obélisque en question s'est brisé dans le voyage et on n'en a exposé finalement que la partie supérieure retaillée. Par ailleurs, plusieurs obélisques égyptiens avaient été transférés à Rome, un par César, grâce à une galère géante qui avait été fabriquée exprès dans laquelle il avait fallu entasser quelques 120 000 boisseaux de lentilles pour faire contrepoids, et puis un autre par Auguste, qui avait nécessité l'efficacité, la force de 200 matelots et quelques 1200 rameurs. C'est le moment de parler d'un travail de Romain. Alors, Champollion, au départ, avait imaginé un grand radeau pour déplacer l'obélisque et le transvaser ce grand pic de granit sur une gabarre pour lui faire traverser la Méditerranée. Le patron du port d'Alexandrie à l'époque s'appelle Besson. Il imagine aussi un radeau de 33 mètres de long pour ramener l'obélisque de Louxor, mais radeau qui ensuite serait remorqué jusqu'à Toulon par un navire à vapeur. La commission finalement chargée de statuer sur le transport, nous sommes là en 1829, au début, alors même que le don n'a pas été officiellement fait à la France, cette commission estime que les moyens qui jusqu'alors ont été évoqués seraient trop risqués. Elle envisage un navire unique capable d'évoluer sur les deux fleuves et les deux mers sans aucun transbordement. Il doit être, nous dit Robert Solé, je cite, assez spacieux pour contenir l'obélisque, assez léger pour accueillir un poids supplémentaire de 230 tonnes, assez solide pour affronter la houle et suffisamment plat pour naviguer sur la Seine. Un trois-mâts d'une longueur maximale de 9 mètres à cause des arches des ponts, d'une largeur pardon, maximale de 9 mètres parce qu'il faut qu'il arrive à passer entre les piles des ponts, bien entendu, des ponts parisiens, d'une longueur de 43 mètres pour compenser cette faible largeur avec des mâtures démontables, toujours pour la même raison, quand il faut passer sous un pont, il faut bien enlever les mâts. La construction va prendre toute une partie de cette année 1830. Quant à l'opération elle-même, elle est confiée à Jean-Baptiste Apollinaire Lebas. Robert Solé nous décrit cet homme comme un tout petit homme dont on se demande s'il est le mieux placé pour déplacer un obélisque de plus de 20 mètres de hauteur. Il est polytechnicien quand même, le bonhomme en question. Il est ingénieur du génie maritime avec une renommée extraordinaire. Et après cet exploit, il sera carrément conservateur du musée de la marine, qui à l'époque est au Louvre. Plus tard, il racontera l'exploit de toute cet immense transbordement, de tout ce voyage dans un livre. Le commandant du navire sera Raymond de Verninac-Saint-Maur, officier de marine, assez rigide, qui publie lui aussi son récit de voyage. Et en 48, il sera ministre de la marine. Donc vous voyez quand même, tous ces gens-là, évidemment, ont été récompensés. Même, oui. Et puis le second de Verninac, c'est Daniel Léon de Joannis, officier de marine, polyglotte, cultivé. C'est un peu l'intello de l'affaire, si je puis dire, doué pour le dessin. C'est lui qui va s'amuser à réaliser les illustrations de l'opération des aquarelles magnifiques qu'il publiera d'ailleurs avec le récit de la mission. 18 estampes dans son beau témoignage. Extrait portrait de Mozart l'Égyptien sur Europe 1. C'est une rencontre entre le répertoire du célèbre compositeur classique et la culture musicale égyptienne, orchestrée par Hugues de Courson. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et nous commençons cette année 2018 avec un voyage aussi étonnant que gigantesque, le voyage de l'obélisque de Louxor. Alors, la grande aventure imaginée sous Charles X commence en vérité sous le régime suivant, hein, alors que le règne maintenant le roi citoyen Louis-Philippe. Nous sommes le 15 avril 1831. Pour l'occasion, on a spécifiquement, Franck, vous venez de nous le dire, créer un navire, le Louxor, pour aller chercher l'obélisque. Exactement, et le Louxor part maintenant de Toulon, hein, avec 121 personnes à bord, officiers, matelots, ouvriers spécialisés, des dizaines de tonnes de vivres, enfin tout ça est raconté par Robert Solé dans Le Grand Voyage de l'obélisque. C'est assez extraordinaire. Vous citez d'ailleurs vous-même, Robert Solé, le propre journal du commandant Verninac. Le départ de France est ainsi décrit. 100 hommes rangés au cabestan tournent avec une incroyable vitesse. Ils paraissent pressés de se soustraire aux tourments de la séparation. Ils ont besoin de courage et les pleurs d'une mère, d'une sœur, d'une maîtresse peuvent-ils leur en donner ? L'ancre vient d'être suspendue, le navire obéissant à la disposition de ses voiles tourne sur lui-même, il arrête sa proue sur la direction de l'entrée de la rade, hors de laquelle la brise fraîche qui lui souffle en poupe l'a bientôt jetée. Adieu France, et ça y est, on est parti, il va falloir traverser la mer, les vents poussent le navire qui va jusqu'à 8 nœuds, il est suivi par des marsouins, il va croiser un énorme cachalot, c'est une véritable aventure cette affaire. Et puis après la Sicile, le voyage se complique à cause d'un vent qui provient de l'est, le Louxor dérive. Le second, qui s'appelle donc Johannis, nous dit « La plus mauvaise barque munie de trois mâts naviguerait aussi bien que lui. » Pas très amène comme commentaire. « Le Louxor se trouve dans la partie la plus mobile des vagues, nous dit le journal. Compliqué pour les hommes à bord de l'emmener là où ils souhaitent et le bateau risque d'être endommagé. » Bref, il finit par gagner Alexandrie, sans trop d'encombre, le 2 mai 1831, 17 jours de traversée quand même. Une fois arrivé en Égypte, on constate que rien n'est prêt. Le consul général est absent, il est auprès du vice-roi au Caire. Le Louxor ne peut reprendre l'eau sans l'accord du consul général. Il doit délivrer les autorisations nécessaires. Et mieux encore, il doit prendre en charge les bateaux de transport et divers équipements. Problème, le commandant craint maintenant la crue du Nil. Il va falloir faire vite. Verninac explique aux autorités qu'il faut que le Louxor navigue avant la crue. Et il va y avoir 15 jours d'attente. Alors les matelots en profitent pour visiter la ville, etc. Le vice-roi finit par assurer une protection. Ils ont droit à toutes sortes de domestiques. Enfin, pour eux, c'est une vie très inhabituelle qui commence, bien entendu, avec table somptueuse et soirée délicieuse, je n'en dirai pas plus. Il aura fallu donc attendre 15 jours le retour du consul. Imaginez l'impatience des Français. On attend, on se dit que le Nil pourrait maintenant se mettre à entrer en crue d'un jour à l'autre. On part pour Rosette, le Louxor est remorqué jusqu'à l'embouchure du fleuve. Rosette, c'est la ville portuaire de soixantaine de milliers d'habitants à l'époque, à 40 km d'Alexandrie, lieu de la découverte de la fameuse pierre à l'origine même des travaux de Champollion. Le Baz et son équipe, une trentaine d'hommes, partent en direction de Louxor le 19 juin. Ils sont donc en avance par rapport au bateau. Ils vont préparer l'installation de l'expédition. Ils prennent place sur une cange, un petit bateau rapide, tandis que le matériel, lui, va être emmené sur des navires à fond plat. L'arrivée à Louxor a lieu le 31 juillet et le Baz est émerveillé. À l'aspect de ces deux monuments, écrit-il, tout s'effaça, tout disparut à mes yeux. Pour la première fois, la vue des ruines de Thèbes éveilla dans l'âme d'un voyageur d'autres idées que les souvenirs d'histoire de grandeur et de décadence. Et oui, car c'est le futur qui est en jeu là maintenant. Place aux opérations d'abattage, de chargement, etc. Le Baz reconsidère ses plans. Il observe les défauts sur le monument, une fissure notamment à la base. Et du coup, il lui faut construire tout un glissoir en bois constitué de 4 sections amovibles de 7 mètres de long qui, déplacées l'une après l'autre sur la chaussée construite pour l'occasion, doivent permettre de haler l'obélisque jusqu'au navire, jusqu'au Louxor. Il appartient au temple de Louxor, l'obélisque, bien sûr. Louxor, situé donc au sud de l'ancienne ville de Thèbes, temple dédié à Amon, construit dans le courant du XIVe siècle avant notre ère. Il faut attendre le XIIIe siècle avant Jésus-Christ pour que soient érigés les fameux obélisques, donc pour Ramsès II. Ces deux obélisques sont différents. L'occidental, plus petit que l'oriental, placé sur un socle plus haut, situé légèrement en avant. Alors c'est un monolithe de 22,37 m de haut et qui pèse, je vous l'ai dit, quelques 230 tonnes. Au départ, on projette déjà d'amener en France le premier obélisque pour le transport. Pas question de scier les obélisques, prévient Champollion, hein, qui parle de sacrilège. Ce serait effrayant de faire ça. Précisément, ce sont des monolithes et toutes leurs vertus de tous ordres tient à leur aspect monolithique. Si malheureusement, on devait se réduire à n'emporter qu'un seul des obélisques de Louxor, nous dit Champollion, il faut sans aucun doute prendre l'obélisque occidental, celui de droite en entrant dans le palais. Il précise bien les choses. Le pyramidion a un peu souffert, il est vrai, mais le corps entier de cet obélisque est intact et d'une admirable conservation, tandis que l'obélisque de gauche, comme je m'en suis convaincu par des fouilles, a éprouvé une grande fracture vers la base. Le capitaine du navire, de son côté, attend la crue qui doit lui permettre de naviguer sans trop de difficultés. Et 3 semaines après le départ des ingénieurs, va commencer la navigation sur le Nil. Entouré de 2 embarcations pilotes qui doivent faciliter les opérations, le navire va progresser. Ça se passe pas sans mal. Hein. Chaque coude du Nil est une épreuve pour le Louxor, notre berceaulet, l'obligeant à de difficiles manœuvres sous une chaleur accablante. 6 échouages en 6 jours. Les Français vont découvrir la solidarité des Égyptiens, notamment 4 jours avant l'arrivée à Louxor, dans le coude de Gamoulet, on est à 20 km. Alors que les vents empêchent le trois-mâts d'avancer correctement, un homme demande au capitaine s'il a besoin d'aide et 3 heures plus tard, il ramène toute une foule de volontaires. Ça a dû être ça un moment extraordinaire pour arriver à dégager le navire. Grâce à leur aide, le Louxor avance au coup des cravaches. Je n'essaierai point de retracer tout ce qu'ils eurent à souffrir de la part des Turcs qui les faisaient marcher, nous dit le capitaine. Le cœur nous enseignait. Encore 3 jours et le 16 août, le Louxor jette l'ancre devant le temple de Louxor. Jusqu'au 31 octobre, il va falloir 3 mois pour dégager l'obélisque. Le bât a engagé des travailleurs locaux, 200 hommes. L'obélisque est désensablé, recouvert d'un coffrage de bois. C'est une opération très complexe. Et au moment du déplacement du centre de gravité, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a très peur. On se demande ce qui pourrait se passer. Johannis décrit la scène. Le revêtement de bois de l'obélisque s'asseyant dans toutes les parties, laissant entendre d'énormes craquements. Et lorsque la plus légère secousse avait lieu, une espèce de vibration faisait trembler les digues. C'est en contemplation devant ces immenses effets dynamiques et le cœur plein de la plus vive sollicitude que nous vîmes s'abattre en 25 minutes cette admirable aiguille de Louxor. L'obélisque glisse dans le sable, il est intact, reste maintenant à le transporter jusqu'au navire. 400 mètres, mission réussie, accomplie le 19 décembre 1831. Ce succès, si ardemment désiré, nous dédommagea en partie de nos peines, dira Lebas. Il fait quand même une découverte, une rainure demi-circulaire sur l'obélisque. L'ingénieur se rend compte qu'il a sûrement utilisé en vérité la même technique pour le déplacer, pour le transporter, que la technique utilisée par les Égyptiens de l'Antiquité. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'incroyable voyage de l'obélisque de Louxor. Nous vous suivons, mais nous nous retrouvons face à un problème. Un problème de taille et un problème technique. Il faut que le niveau du Nil soit suffisant maintenant pour transporter l'obélisque. Oui, on est en pleine saison de basses eaux. Hein. En décembre, il va falloir attendre que le niveau du Nil remonte, ce qui n'a lieu qu'à l'été. Pendant ce temps-là, on se divertit, on chasse. On fait des collections de spécimens zoologiques, on fait des explorations archéologiques, bien entendu. Il y a une épidémie de dysenterie qui va finir par tuer 3 marins et au total 12 hommes seront morts pendant le séjour. On a d'ailleurs évacué vers Alexandrie une 20aine d'autres hommes qui étaient malades. Le 25 août 1832, vous voyez que le temps passe. Le niveau du Nil est suffisant pour permettre au Louxor, au navire, de redescendre donc le fleuve. Pour remplacer les malades et les morts, 60 marins égyptiens ont été engagés. On va donc vers Alexandrie. Il y a toujours cette épidémie de dysenterie qui fait vraiment des ravages. On est obligé d'évacuer les malades à la hauteur de Rosette. Et puis à plusieurs reprises, le bateau va heurter les rives. Ben, il est tellement lourd maintenant, vous imaginez, il y a un ballon terrible. Il s'arrête aussi sur des bancs de sable, etc. L'arrivée à Rosette ne se fera que le 2 octobre. 38 jours après le départ, le navire là est stoppé, impossible de passer l'embouchure du Nil. Le Louxor n'arrive pas à aller plus loin, que les bancs de sable sont trop hauts. Le commandant s'énerve, il est vraiment furieux contre ceux qui ont conçu le trois-mâts. Par une fausse estimation du poids de l'obélisque, écrit-il, par de faux renseignements sur le Nil, sa construction n'avait été combinée que pour la rivière de Seine et le passage de ses ponts. C'est vrai qu'ils ont peut-être été un peu obnubilés par cette question-là, les constructeurs. On essaie de trouver une solution et fin décembre, quand la profondeur du chenal est modifiée grâce aux vents locaux, le Louxor peut de nouveau avancer. Le 2 janvier 33, il arrive à Alexandrie, mais le voyage n'est pas terminé, bien entendu, puisque maintenant, il va falloir prendre la direction de Paris, remorqué par un vapeur qui s'appelle le Sphinx. Ça ne s'invente pas. Allons-y. Le Louxor quitte Alexandrie, remorqué par le Sphinx, le 1er avril 1833. Départ d'ailleurs repoussé par des tempêtes. Et oui, il y a tout eu dans cette affaire. Le 25 mars, Verninac, notre capitaine, a rencontré Mehmet Ali, qui lui rapporte « Je n'ai rien fait pour la France que la France n'ait fait pour moi. Si je lui donne un débris d'une vieille civilisation, c'est en échange de la civilisation nouvelle dont elle a jeté les germes en Orient. Puisse l'obélisque de Thèbes arriver heureusement à Paris et servir éternellement de lien entre ces deux villes. » Ce qui sera le cas d'ailleurs, on aura l'occasion tout à l'heure d'en parler. L'arrivée à Toulon ne se fera que le 10 mai 1833, sans encombre. Avant de débarquer, les équipages sont contraints à la quarantaine, bien entendu, et le départ pour Paris n'a lieu que le 22 juin, toujours remorqué par le Sphinx. Deux escales, le 12 août, on est à Cherbourg, le 2 septembre, le roi Louis-Philippe peut venir féliciter à bord du Louxor les officiers qui ont accompli cet incroyable exploit. Il va reprendre la mer maintenant pour le Havre. Au Havre, le Sphinx est remplacé par un bateau à vapeur plus petit qui va pouvoir naviguer sur la Seine. Et le 14 septembre, on amarre l'ensemble à un quai de Rouen. Il va encore falloir attendre 3 mois et la crue du fleuve pour remonter vers Paris. Bonjour Robert Solé. Bonjour. Mais quelle aventure! Et encore, je dois vous dire que j'avais l'embarras du choix et j'ai beaucoup, beaucoup résumé cette histoire qui n'a pas été dénuée de multiples rebondissements. C'est un véritable roman. Une histoire qui n'est pas finie, qui d'ailleurs. Pas finie, nous allons la finir ensemble, bien on sûr. Est au milieu oui, de oui, l'histoire. Bien sûr, bien sûr. Ça fait mais 2 ans et demi à peine. C'est incroyable, hein, cette affaire. Ça a été vraiment d'une difficulté folle. Ça a été, alors évidemment, les Romains, eux, quand ils ont déplacé les obélisques, ils occupaient l'Égypte. Ils avaient tout le temps, ils avaient tous les moyens, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que les Romains bénéficiaient notamment d'une main-d'œuvre infiniment supérieure à celle dont les ingénieurs que nous avons cités ont pu bénéficier. Hein. C'était... Là, on est avec 120 hommes. C'est ça, voilà, 120 ouais. hommes, il y a quelques ouvriers spécialisés, une petite main-d'œuvre égyptienne sur place, mais c'est tout. On a quand même mal conçu ce navire, en tout cas c'est ce que dit Verninac, il n'est pas très... Mais c'était un navire infaisable, c'était un navire infaisable. C'est-à-dire que le cahier des charges était impossible, impossible. En fait. La quadrature du cercle. On ne peut pas transporter un obélisque de 230 tonnes à la fois en mer, sur les fleuves, des fleuves différents, avec des vents différents, avec des configurations différentes. C'était infaisable. Et néanmoins, on a réussi, malgré ce navire qui n'était pas parfaitement adapté à toutes les contraintes qui allaient surgir devant lui, on a réussi. Nous sommes, comme vous l'avez très bien remarqué, en cours de route. Nous n'avons pas fini notre histoire. Si vous voulez bien, nous allons la finir ensemble dans un instant. Depuis maintes lunes, la lune ne venait plus voir, voir l'obélisque, la lune ne venait plus voir l'obélisque. Abandonné à sa peine, l'obélisque s'est couché en pleine concorde, en pleine discorde. Il s'est étendu sans miséricorde. Toute la ville s'indigne à ce geste peu viril. Comment sans gêne, sans honte il traîne, surtout à deux pas de la Madeleine. On a beau être obélisque, on n'est pas toujours de pierre. La moindre lune nous importune, d'autant que la lune est blonde à la brune. Les manœuvres les plus folles ne peuvent le redresser. L'empereur signe mille consignes, mais rien ne peut remplacer Joséphine. Les plus brillantes étoiles scintillent à son chevet. Vénus elle-même lui dit je t'aime, mais lui ne peut que trousser des poèmes. Soudain fragile et diaphane, la fugitive revint. Bonjour la lune, bonjour ma lune, dire qu'il s'était couché pour des prunes. Un extrait de l'obélisque de Guy Béard sur Europe 1. Cet après-midi, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au cœur de l'histoire de l'Égypte et de ce voyage de l'obélisque de Louxor. Et vous recevez cet après-midi Franck Ferrand, Robert Solé. Il est écrivain et journaliste. C'est le 13 décembre 1833 que l'obélisque, toujours chargé hein, sur son navire, va partir de Rouen. Alors, la partie Seine, si je puis dire, n'est pas la plus facile, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, Robert Solé. Oui, c'est assez compliqué. Verninac s'énerve, ça met du temps. Cela dit, il n'y a pas de gros risques là. 12 jours de navigation. Alors qu'en Méditerranée, on a frôlé quand même la catastrophe. Là, cette fois, on tracte comment ? Par des chevaux sur un chemin de halage ? Ça se oui, passe, hein, c'est oui, ça oui, c'est du halage. Un petit peu plus classique, disons, par rapport à ce à quoi on était habitué à l'époque. Il aura donc fallu 2 ans et 9 mois au Louxor pour se rendre de Toulon, tout à fait au début, à Louxor, puis de Louxor à Rouen et de Rouen à Paris. Alors, j'imagine que lorsque l'obélisque arrive à Paris, les Parisiens sont là pour assister à ce spectacle incroyable. Les Parisiens sont là, mais ils ne voient rien. Ben oui. Ils ne voient rien, parce que l'obélisque est dans la cale pour le moment. Il est emmailloté de bois. Il est emmailloté. Alors, ils voient ce bateau très étrange, en effet, qui avait fait beaucoup plus d'effet en Égypte. Parce que quand le Louxor est entré dans le Nil, jamais les Égyptiens n'avaient vu un bateau de cette taille. Et ils l'ont comparé à une grande mosquée qui entrait dans le Nil. C'était un cadeau de Noël pour les Parisiens, donc à Noël 1833. Et pourtant, l'obélisque ne va être érigé sur la place de la Concorde qu'en avril 1836. Mais que s'est-il donc passé ? Mais il fallait savoir où le mettre, où mettre cet obélisque. On aurait pu y réfléchir avant, non ? Oui, mais Champollion avait une idée. Champollion voulait que les deux obélisques soient adossés à un monument comme dans les temples égyptiens. Il pensait à la cour du Louvre et sinon à la place de la Madeleine, devant l'église de la Madeleine. Mais Louis-Philippe avait une autre idée. Il avait besoin de cet obélisque. Il avait besoin, au centre de la place de la Concorde, où beaucoup de sang avait coulé sous la Révolution, beaucoup de sang. C'était le symbole. La place avait été la place de la Révolution, elle était devenue le symbole de la guillotine. Alors, il fallait laver cette place et on avait le choix. Où on mettait une statue de Louis XVI, par exemple, et on fâchait tous les républicains, où on érigeait une colonne de la liberté, on fâchait tous les royalistes. Et donc la seule solution, c'était de prendre un monument égyptien. Et Louis-Philippe avait... Un monument qui, par son ancienneté, serait au-dessus de tout soupçon, d'une certaine manière. Au-dessus de tout. Simplement, il fallait l'imposer aux Parisiens. Or, il y avait de grandes discussions. Et on a donc organisé un faux sondage. On a organisé un faux sondage avec des simulacres d'obélisques sur plusieurs places parisiennes pour laisser les Parisiens choisir. En fait, le choix était fait. Il devait être place de la Concorde. Et d'ailleurs, il y est toujours. Et vu son poids, on n'a pas tellement l'intention de le déplacer, à mon avis. Alors justement, il a fallu changer son socle, puisqu'on a vu qu'il avait été endommagé, ce socle antique. Le socle avait été laissé, contrairement à l'avis de Champollion. D'ailleurs, mais Champollion est mort au moment où nous parlons. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, fini. Très important. Oui. Entre-temps, Champollion est mort. Il n'est plus là pour défendre ses idées. L'intégrité de la chose. Voilà. Oui. Et donc, on va organiser une deuxième expédition pour aller chercher des blocs de granit breton en Bretagne. Et pour cette expédition, et on a un bateau sous la main, le Louxor, on va organiser de nouveau une expédition de plusieurs mois pour aller chercher du granit breton qui va se marier au granit d'Assouan. Et c'est ce qui va se faire. Pendant ce temps-là, l'obélisque attend toujours gentiment sur la Seine ? Alors, il attend sur la Seine, mais on songe. Alors, on a décidé, ça sera place de la Concorde, mais ce n'est pas fini. Il faut traîner cet obélisque jusqu'au centre de la place. Faut inventer et un voilà, système. Alors, comment faire ? Et voilà, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais on vient d'inventer la machine à vapeur, puisqu'on a déjà ce sphinx qui a traîné le Louxor en Méditerranée, et on va commander une machine à vapeur pour traîner l'obélisque jusqu'au centre de la place de la Concorde. On va construire un viaduc avec un chariot dessus, enfin compliqué. Finalement, ce sont des ouvrages qui peuvent faire penser à ce qu'avaient dû utiliser les anciens Égyptiens à l'époque où eux-mêmes transportaient des monolithes très impressionnants. Oui, hein. Sauf qu'à l'époque, on ne sait pas du tout comment oui, les ça. Égyptiens avaient On ne peut qu'imaginer. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, on n'a que des suppositions. Simplement, cette machine à vapeur qu'on a commandée, on va très vite s'apercevoir qu'elle ne fonctionne pas. Elle n'est pas assez puissante et il va donc falloir de nouveau, à la force des muscles, il va falloir le faire à l'ancienne et ça va être très compliqué. Oui, et ça va même être assez dangereux. Il y a des accidents pendant tout le transport. J'ai parlé de ceux qui étaient morts alors, de maladies, hein, de la dysenterie, des suites de la dysenterie. Je parlais de ceux qu'on a été obligés d'envoyer dans un certain nombre d'ambulances sur le chemin. Et puis, il y a carrément un accident qui intervient la veille même du levage de l'obélisque, le 24 octobre 1836. Il y a un appareil de levage qui va tomber, en fait, qui fait une chute. Mais Lebas, l'ingénieur, est persuadé que s'il y a un incident pendant l'érection de l'obélisque, c'est une catastrophe épouvantable. Mais parce que le 25 octobre 1836, sur la place de la Concorde, il y aura 200 000 personnes. C'est ça. 200 000 personnes. Et Louis-Philippe, d'ailleurs, ne va pas apparaître tout de suite sur la place. Il attend de voir si ça se passe bien. Oui, il est caché. Il est caché dans un appartement du ministère de la Marine, avec la famille royale. Il ne va apparaître qu'au moment où vraiment ça fonctionne, où vraiment l'accident est évité. Mais jusqu'au dernier moment, on a de très grosses émotions. On joue les mystères d'Isis de Mozart, ça ne s'invente pas. Ça tombait plutôt pas mal pour Mozart, l'Égyptien, bien entendu. Et alors, il y a tout Paris qui est là, le 25 octobre 1836. La manœuvre est très compliquée. 11h30 du matin. Donc là, on est vraiment au moment final de cette immense aventure. Manœuvre très compliquée qui met en jeu quelques 350 artilleurs. On peut dire que l'obélisque, avec des effets et des systèmes de levier, bien sûr, aura été dressé, érigé à force d'hommes, bien entendu. Hein. Oui, mais c'est l'opération inverse de celle qui a été faite à Louxor. Voilà, c'est ça. Il s'agit de relever l'obélisque, de le prendre en cravate, de le tirer vers le haut, mais de l'empêcher de s'abattre de l'autre côté, sens. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc le retenir ensuite. Il faut à la fois le tirer et le retenir. Et il y a 230 tonnes. C'est un monolithe, un bloc unique, cassable en plus. C'est du granit dur, mais qui peut se briser. Ah, s'il tombe, il se brise. Ah, et puis en plus, c'est une catastrophe. Ah oui, parce sûr. Que tout le dispositif, à ce moment-là, explose. Oh là là là là. 14h30, la fin des opérations. Donc ça veut dire 3 heures d'un levage très progressif, très attentif. On a fait très attention. À 14h30, on hisse au sommet de l'obélisque le drapeau national. Cette fois, le roi Louis-Philippe est sorti du ministère de la Marine pour il est acclamé, hein. Là, comme oui, s'il avait fait... comme s'il avait lui-même, comme s'il avait lui-même taillé l'obélisque. En 1849, c'est-à-dire 9 ans après l'installation, il va offrir lui-même une horloge à l'Égypte, horloge installée sur la citadelle du Caire, une horloge en cuivre, c'est un peu disproportionné comme cadeau de retour, non ? Alors c'est une horloge qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle n'a jamais fonctionné. En plus, ça tombe pas. Elle n'a jamais fonctionné et c'était un tout petit cadeau sans rapport évidemment avec ce merveilleux monument et qu'est l'obélisque. Alors évidemment, l'obélisque de la Concorde est devenu l'un des monuments les plus célèbres de Paris. Tout à l'heure, avec Clémentine, nous retournerons à Louxor voir ce qu'il reste. Qu'est-ce qu'il y a comme obélisque encore en Égypte ? Parce que après les Romains, les Byzantins, les Français et accessoirement les Anglais, il ne doit plus rester grand-chose, somme toute. Mais paradoxalement, en effet, il y a plus d'obélisques à l'étranger qu'en Égypte. Oui. En tout cas, de beaux obélisques. J'étais tout récemment en Égypte et j'ai encore admiré l'obélisque de Karnak, celui qu'on a offert aux Anglais en se moquant des Anglais parce que cet obélisque est intransportable. Alors, il y a encore quelques très beaux obélisques en Égypte, mais la plupart des obélisques sont en Europe, notamment à Rome. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de l'obélisque de Louxor, qui est aujourd'hui l'obélisque de la Concorde à Paris. Et pour en savoir plus sur cette histoire incroyable, eh bien, vous recevez cet après-midi Robert Solé. Il est écrivain, journaliste et auteur du Grand Voyage de l'obélisque, paru chez Seuil. Alors je voudrais, Robert Solé, que nous revenions un instant sur quelques-unes des figures qui ont permis ce transport incroyable. Ces gens étaient vraiment des aventuriers ou est-ce qu'ils ont été dépassés par la tâche qu'on leur a confiée? Est-ce que finalement ils se sont dépassés eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas le choix? On pourrait presque dire ça de Verninac et de ses compagnons. Il faut les prendre un à un parce que chacun est un cas particulier. L'ingénieur Apollinaire Lebas, c'est un polytechnicien qui est sérieux. C'est celui pour lequel vous avez le plus de tendresse, charmant, si je puis dire. Il est tout petit, comme vous l'avez dit. Il est charmant, il est sérieux. Son projet occupe des centaines de pages. Il faut voir ce que c'est que ce projet, avec tous les calculs géométriques. Et en plus, alors, sa grande frayeur quand il s'aperçoit que l'obélisque est fissuré. Parce que Champollion n'avait pas vu l'obélisque en entier. Cet obélisque était occupé par des habitants de ce village de Louxor de l'époque qui habitaient. Il a fallu déménager les habitants. Et quand on les déménage, on s'aperçoit qu'il y a une fissure. Et il faut tout recommencer, tous les calculs. Alors, Lebas est un homme sérieux, etc., volontaire. Verninac, le commandant, c'est un commandant de marine, très grand figure, admirateur de Champollion. Oui. Alors, il a ramené Champollion quelques années plus tôt, en 1829, quand Champollion a fait son fameux voyage en Égypte. Mmh. Ils sont devenus amis et c'est Champollion qui l'a recommandé au gouvernement français. Verninac a une passion pour Champollion. Champollion qui meurt pendant qu'ils sont à Louxor. Il n'aura jamais vu, lui, l'obélisque dressé en France, en tout cas. Voilà. Alors, chacun de ces personnages a... Mais il y a d'autres, il y a des personnages annexes, n'est-ce pas? Et puis, il y aura même Haussmann qui va vouloir déménager l'obélisque plus tard. C'est vrai. Haussmann n'aime pas cet obélisque. Il n'aime pas cet obélisque. C'est Napoléon III qui va le maintenir, l'obélisque. Heureusement. Oui. Heureusement. Napoléon III a estimé que les inconvénients d'un déplacement seraient supérieurs aux avantages. Oui, mais où est-ce qu'on l'aurait collé, sinon? Mais n'importe où, seulement. Parce qu'il y a eu de grands débats, quand même, sur l'emplacement. De grands débats. Certains pensaient que cet obélisque était trop mince. Il est énorme, mais dans cette place de la Concorde, il serait trop mince et couperait toutes les perspectives. Ce qui est absurde, il ne coupe rien du tout. Au contraire. Il est magnifique. Il crée un axe, au contraire. Il est magnifique. Oui. Il y a eu un petit débat quand même sur l'opportunité d'aller mutiler l'unique temple égyptien qui avait encore deux obélisques. Le temple de Louxor est le seul temple égyptien qui avait encore deux obélisques debout. Et aujourd'hui, quand vous le voyez, c'est un temple mutilé, il n'y a qu'un seul obélisque. Donc il y a eu un débat, mais un petit débat. Il y a eu très peu de gens qui se sont vraiment mobilisés sur cette question. Aujourd'hui, ce serait scandaleux. Mais quand Mehmet Ali fait ce cadeau, a-t-il conscience d'amputer littéralement le trésor patrimonial de l'Égypte? Est-ce qu'il... Mehmet Ali est un Turc de Macédoine qui est devenu le maître de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte, qui à l'époque est une province ottomane. Il se fichait éperdument du patrimoine de sa patrie d'adoption. Pour lui, les obélisques, c'est un outil diplomatique. On va en offrir un à la Grande-Bretagne, un à la France. L'idée, c'est de s'appuyer sur ces puissances occidentales contre le suzerain, en quelque sorte, non ? D'une certaine façon, et puis il a besoin des deux. Et il a besoin de les neutraliser. Il est très malin. C'est un politique. C'est un grand politique. C'est le fondateur de l'Égypte moderne. Justement, il est le premier de la galerie de portraits que vous nous livrez dans ce nouveau livre « Ils ont fait l'Égypte moderne ». Pour vous, l'Égypte est entrée dans la modernité avec Mehmet Ali ? L'Égypte entre dans la modernité au moment où Bonaparte arrive avec ses soldats, ses savants, et bouscule ce pays qui était endormi depuis des siècles. Alors, il ne fait rien, il ne change rien à ce pays, mais il détruit le système politique mamelouk. Et il ouvre la voie, d'une certaine façon, à ce Mehmet Ali qui va fonder l'État moderne en Égypte. Ce Mehmet Ali était peut-être, d'une certaine manière, plus politique et plus international que profondément égyptien. Vous nous dites qu'il ne l'était pas d'origine, déjà. Il le devient. Il le devient, d'une certaine façon, mais il ne parle que le turc. Il ne l'écrit pas, d'ailleurs. Il va l'apprendre au cours de son règne. Il ne parle pas arabe, mais il épouse l'Égypte. Il épouse l'Égypte et il transforme l'Égypte et il la fait entrer dans la modernité. Celui que vous appelez le père de la nation, à la fois que vous nous en parliez, de ce Saad Zarloul. Alors là, on est plus tard, on est en 1919, l'Égypte est déjà occupée par les Anglais depuis 1882. Et Saad Zarloul, c'est un homme né de la campagne égyptienne, et parti d'une école coranique, qui va devenir ministre, qui va devenir polyglotte, qui va conduire le mouvement d'indépendance réclamant l'indépendance à la Grande-Bretagne et va l'obtenir. Même si ce n'est pas une indépendance complète, il sera immensément populaire, soutenu à la fois par les musulmans et les chrétiens. C'est un modernisateur ? C'est pas tellement ça, c'est un nationaliste intelligent qui veut l'indépendance et qui a l'air de sortir du limon égyptien. Il a cette face sombre, si vous voulez. Il ressemble à l'Égypte. L'Égypte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pharaonique dans cette figure et dans quelques autres parmi celles que vous décrivez ? Oui, tout est pharaonique en Égypte, vous savez. Tout est pharaonique et c'est ça qui est formidable en Égypte. C'est qu'il y a des réminiscences incroyables, il y a des permanences incroyables. Nasser est un pharaon aussi à sa manière. Mais Nasser est un pharaon parce que Nasser est le premier depuis les pharaons à être issu du peuple égyptien. Il va rendre la fierté au peuple égyptien parce qu'il sort de ce peuple. Saad Zarloul a à peine gouverné. Il a été un petit peu président du conseil, mais c'était une monarchie. Nasser sera le maître absolu de l'Égypte et sera en plus le leader du monde arabe. Jusqu'à, malheureusement, la catastrophe ensuite, parce que Nasser a fait beaucoup de bêtises aussi. Oui. Vous montrez à quel point Nasser, d'une façon générale, a privilégié une politique de prestige, on pourrait appeler ça comme ça, une politique de... Il est allé trop loin. Oui. À l'extérieur, il a voulu se mêler de tous ses voisins. Il s'est enlisé au Yémen. Il a été entraîné dans une guerre contre Israël qu'il ne voulait pas, qui a été une catastrophe, la guerre des six jours. Et en Égypte même, il a institué un régime policier qui était contraire à tous les objectifs du coup d'État de 1952. Vous allez jusqu'à Al-Sisi, qui fait partie de votre galerie, si je puis dire. Non, j'ai pris 20 personnages qui sont, comme on dit, incontournables. Mais il y a parmi eux une chanteuse, Omar Kalsoum, il y a un écrivain, des écrivains. Il y a des penseurs musulmans, il y a un copte. J'ai voulu prendre la première féministe égyptienne, quand même, Hoda Sharawi. Voilà, ce sont 20 personnages sans lesquels on ne peut pas parler de l'Égypte moderne. Et on ne peut pas la comprendre. Oui, parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qui est très compliqué, il faut vraiment remonter, comme toujours d'ailleurs, mais il faut remonter 2 siècles en arrière. Le tourisme est en grande difficulté en Égypte. On dit qu'on peut de nouveau visiter un certain nombre de sites quasiment dans les conditions qui étaient celles des visiteurs du 19e. J'en reviens une fois de plus et c'est à la fois magnifique parce qu'on est seul dans les temples et c'est triste pour les gens là-bas. Mais c'est ça. Alors on visite dans des conditions... Il faut en profiter si on peut dire, magnifique. Non, d'un point de vue égoïste pour les touristes, c'est le moment. J'ose pas trop pousser. Moi je pense qu'il faut aller en Égypte. On y est bien accueillis. On visite dans de merveilleuses conditions. Et le patrimoine est en danger, d'après vous ? Non, le patrimoine n'est pas en danger. Ce qui s'est passé pendant les événements de 2011, c'est que les champs de fouilles Il y a eu des pillages dans des champs de fouilles, oui, mais pas dans les musées, pas dans les temples. On se rappelle cette fameuse chaîne humaine hein, pour sauver le musée du Caire. Oui, mais enfin, les dégâts ont été très limités. Le patrimoine n'est pas en danger. Merci beaucoup Robert Solé. Restez avec nous parce que nous partons justement pour l'Égypte dans un instant avec une excellente guide. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et pour ce début d'année 2018, Franck, vous nous proposez de nous évader. Nous partons maintenant à Luxor et notre guide, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui est chroniqueuse d'histoire et que vous pouvez lire dans les pages de Femmes Actuelles Jeux. Bonjour Clémentine. Bonjour Franck. Alors vous nous emmenez à Luxor, c'est-à-dire dans le cœur des cœurs, dans oui, le sein des saints. Oui, parce que vous-même et Monsieur Solé, vous connaissez bien sûr l'Égypte absolument par cœur. Mais enfin, pour les auditeurs qui n'auraient pas voyagé jusqu'à Luxor, disons en quelques mots que Luxor se trouve à peu près à 700 km au sud du Caire, environ à 300 km au nord d'Assouan, oui. Que c'est le point de débarquement des flots de touristes en Égypte et à la fois le port d'attache des centaines de bateaux-hôtels qui sillonnent. Peut-être devrait-on dire le fleuve, car hélas, en effet, l'activité touristique a beaucoup ralenti depuis les derniers événements. Et lorsque l'on vient à Luxor, ça n'est pas pour Luxor en fait, c'est pour Thèbes. Thèbes, la capitale des pharaons du Moyen et du Nouvel Empire durant 5 siècles, Ramsès II appartient à ces dynasties, un pharaon de la 19e dynastie. Alors, précisons pour les puristes, il règne de moins 1279 à moins 1213. Mais le nom même de Luxor est en fait un nom d'origine romaine, parce que les Romains avaient installé 2 campements à l'emplacement du temple, un castrum. Ce castrum est devenu en arabe El Ksour, qui désigne la forteresse ou le palais, et ensuite c'est devenu Luxor. Donc castrum, El Ksour, Luxor. Ça veut dire castrum en fait. Ça veut dire castrum, tout à fait. Voilà, nous avons appris quelque chose. Et alors, autre chose à savoir, c'est que de ces 5 siècles d'histoire dans cette ville, il ne reste que des monuments religieux ou funéraires. Donc on a sur la rive droite du Nil les grands temples, Karnak à 2 kilomètres au nord-est de Luxor et Luxor. Et puis sur la rive gauche, les nécropoles et les monuments funéraires. Oui, alors comprenez les tombeaux des pharaons. Alors là, ça parle à tout le monde. Tout en Camon, c'est sur la rive gauche du Nil. De sorte que l'on a pu dire de Luxor qu'elle regardait la mort en face. Il y a donc la ville vivante avec les temples. Les vivants face aux morts. Un des sites les plus fascinants de la planète, Robert Solé, ça on peut dire. Oui, moi je ne me lasse pas d'aller sur les 2 rives de Luxor. J'ai eu l'occasion de visiter le Ramesséum, qui est sur la rive des morts, la rive ouest. Oui. C'est un Français, Christian Leblanc, qui dirige la mission franco-égyptienne, là, et qui fait un travail extraordinaire de remontée de tout ça. Parce que Luxor, il y a 100 ans encore, c'était des ruines, il faut le savoir. Karnak, c'était des ruines. Et aujourd'hui, on a des merveilles qui ont été remontées, pas reconstruites, remontées. Alors j'allais dire que précisément, c'est au Ramesséum que résidait Champollion lorsqu'il est venu à Luxor. Et je voulais parler également, quand on parle du temple de Luxor, de la mosquée Abou El Agag. C'est absolument fascinant quand on arrive sur le site, c'est qu'on voit tout d'un coup en l'air, en hauteur, on voit cette petite mosquée du XIIIe siècle et en fait, il y a 7 mètres de différence entre le sol sur lequel a été bâtie cette mosquée et les ruines pyramidales, enfin les ruines antiques. Donc, c'est dire ce qu'il a fallu excaver. C'est Maspero, je crois, en 1883, qui commence à creuser tout ça sur 7 mètres de haut pour arriver à découvrir ces sites dans leur intégralité. J'ajoute que lorsqu'on arrive devant le temple de Luxor, où reste cet obélisque, et on se dit que Mazet, quand on pense au travail qu'il a fallu pour acheminer cet obélisque jusqu'à Paris, ainsi que vous l'avez évoqué à l'instant, et que les Égyptiens en 1200 avant notre ère ont installé les deux à cet endroit, oui, fallait-il qu'il y ait de la main-d'œuvre, en effet. Oui. Ça fait un ensemble palatial et religieux absolument phénoménal, hein, absolument gigantesque, le plus important du monde antique. Oui, c'est ce qu'il y a absolument entre Karnak et Luxor. On ne peut pas, c'est une sorte de musée à ciel ouvert comme il n'y en a pas d'autres sur Terre. C'est colossal, c'est écrasant. Il y a en plus cette allée incroyable. Bon, ce dromos, c'est une allée qui est bordée de sphinx à tête de bélier. Et j'ai lu qu'il y en avait, alors elle est encore assez spectaculaire, mais j'ai lu qu'il y en avait 700 sphinx dans cette allée monumentale qui menait au temple. Et vraiment, on se sent tout petit, on se sent écrasé. Et alors, dans ce temple, Ramsès II a laissé sa marque de façon assez grandiose, car avant lui, avec le pharaon monothéiste Akhenaton, qui s'était lui installé à Tel Amarna, donc il avait un petit peu délaissé cette ville où le culte d'Amon était central. Eh bien, la cité des temples avait été un petit peu laissée à l'abandon. Toutankhamon refait quelques travaux, de même que son successeur, le prêtre Haï, mais Ramsès II, lui, alors va vraiment laisser sa marque de façon colossale, grandiose. Il étend le temple au nord, il construit cette grande tour qui porte son nom avec des 74 piliers dont les chapiteaux sont des papyrus qui s'ouvrent, mais c'est absolument colossal. Je ne trouve pas les mots pour désigner cette impression écrasante. Et sur ce pylône, vous savez, comme ce pylône, c'est-à-dire comme cette porte qui donne sur les temples en forme de trapèze, eh bien, est représentée la bataille de Kadesh, la grande bataille de Ramsès II, sa grande victoire. On voit sur les statues colossales, il y a, je crois, en tout 11 colosses assis, debout, qui tous représentent Ramsès. Et alors, on voit représenter à la fois, ça c'est très joli, un lotus, symbole de la Haute-Égypte, et le papyrus qui s'entrenoue pour symboliser Ramsès, le pharaon unificateur des deux Égyptes. Ah non, vraiment, un voyage en Égypte. Vous m'avez apporté un texte de Champollion qui est assez remarquable, qui dit « Tout ce que j'avais admiré avec enthousiasme sur la rive gauche me parut misérable en comparaison des conceptions gigantesques dont j'étais entouré. Aucun peuple ancien ni moderne n'a conçu l'art de l'architecture sur une échelle aussi sublime, aussi large, aussi grandiose que le firent les vieux Égyptiens. Ils concevaient en hommes de 100 pieds de haut. » C'est vrai que c'était des géants, ces bâtisseurs, en tout cas des géants dans leur tête, d'une certaine manière. Alors après, ce pylône, quand on avance... Arrive dans cette grande, grande salle qu'on appelle la cour. En fait, on l'appelle la cour de Ramsès. Mm-hmm. Et là encore, alors c'est colonnes avec alternance de colosses. Et puis, on s'achemine, bien sûr, vers Karnak. Alors là, tous les pharaons suivants ont laissé leurs traces aussi. Et il faut, je pense qu'un voyage dans ces lieux, en Égypte, puis ensuite à Assouan, à Abou Simbel, c'est un voyage obligatoire dans une vie. Et alors pourquoi aussi, que ça peut-être que Robert Solet pourrait l'expliquer en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette fascination et cet amour de la France pour l'Égypte et tous ces grands, et ces Mariette, et ces Maspero, et ces Legrain, toute cette école. Oui, mais cette attirance, cette passion, cette fascination pour l'Égypte, elle remonte en réalité à l'Antiquité. Les Grecs et les Romains étaient eux-mêmes déjà fascinés par l'Égypte, et ça s'explique. Aucune civilisation ne nous a légué de telles, vous l'avez dit, de telles merveilles, de tels vestiges. C'est inouï. Il n'y a pas, ça ne se compare pas. Et puis il y a le paysage. Ça s'inscrit dans un paysage de sable et d'eau magnifique. Et puis il y a tout ce qui apparaît dans cette civilisation, cette modernité des lignes. Les lignes égyptiennes sont indémodables. Tous ces pharaons sont beaux, jeunes, etc. Avec de pureté éternelle. Pureté éternelle. Oui. C'est l'Égypte éternelle, en effet. Et puis, quand on a su déchiffrer les hiéroglyphes... Alors, quand on ne savait pas déchiffrer les hiéroglyphes, c'était l'énigme. Et donc, c'était attirant. Mais quand on a su déchiffrer les hiéroglyphes avec Champollion et ses successeurs, on a découvert, alors là, la sagesse, l'harmonie, la médecine égyptienne, la littérature égyptienne, etc. Vous avez parlé d'une petite mosquée, vous avez raison de souligner ça, cette mosquée qui est dans le temple de Louxor. Mais ça, c'est l'histoire de l'Égypte aussi, parce qu'on est dans un exotisme à puissance 2. C'est non seulement l'Égypte pharaonique, mais c'est une Égypte qui a été ensuite chrétienne, et puis une Égypte qui a été musulmane. Et c'est tout ça, l'Égypte. L'Égypte, c'est à la fois les pharaons, c'est à la fois les chrétiens, et c'est à la fois l'Égypte musulmane, avec toutes ses merveilles. Merci beaucoup Robert Solet de nous avoir fait rêver pour commencer cette année. Votre grand voyage de l'obélisque est publié chez Au Point Seuil et ils ont fait l'Égypte moderne. C'est votre nouvel ouvrage qui paraît chez Perrin. Merci beaucoup. Et merci à vous, chère Anissa. Nous nous retrouvons demain à 14h au cœur de l'histoire. Avec grand plaisir, Franck, puisque demain, vous nous emmènerez au cœur de l'histoire d'une danseuse russe très proche du tsar Nicolas II.